soir. Bienvenue sur la transversale. L'après-match de la quatrième rencontre de la saison 2018 de l'Impact de Montréal contre les Sounders de Seattle à Seattle sur la côte ouest. Donc bonsoir pour ceux qui écoutent en direct sur YouTube. Vous pouvez toujours nous écouter en direct sur YouTube au youtube.com/sportspodcastingnetwork et évidemment en version balado-diffusion disponible partout où vous trouvez vos balados préférés. Donc évidemment sur le Apple Podcast, le Google Play Store, baladoquebec.ca et surtout au sportspodcastingnetwork.com. Bienvenue dans notre nouveau studio. Si c'est la première fois que vous nous écoutez en direct, voici maintenant de quoi nous allons parler ce soir. Évidemment, Seattle-Montréal, victoire de Montréal sur la route. Première victoire sur la route pour Montréal cette saison en 2018. Un but de Jason Vargas pour un deuxième match consécutif. Vargas marque le but vainqueur. Et cette fois, c'est contre Seattle sur la route à la 60e minute sur un jeu d'exécution, un jeu d'acharnement, un jeu très beau. En l'absence de d'autres mots, je dirais de Saphir Taider. Quel acharnement sur un jeu mort, un ballon. Un ballon rebondissant dans le coin du terrain. Saphir s'acharne un peu, accélère un petit peu. Petite talonnade de la droite pour ramener le ballon derrière lui à Piatti. Piatti se fait plaisir dans la boîte vers la gauche, vers la droite. Roman Torres cherche encore ses talons sur ce jeu. Mais Piatti, au lieu de tirer, trouve Vargas ouvert seul devant une cage béante laissée telle quelle par Stephen Fry. Et c'est 1-0 Montréal à la 60e minute. Mais le jeu qui va retenir l'attention durant ce match, évidemment le carton rouge décerné après reprise vidéo au joueur Lirdam de Seattle sur un jeu avec Daniel Lovitz au contact. Un ballon aérien, Lovitz saute au ballon. Lirdam reste quand même sur ses pieds. Et pousse un peu Lovitz qui crée une chute très lourde de Lovitz directement sur son dos. Un bon 5 pieds de haut directement sur le sol. Et c'est un sol qui ne pardonne pas nécessairement à Seattle. C'est un terrain artificiel. Oui, il y a quand même une bonne couche de mousse en dessous, comme on dirait. Mais quand même, c'est pas la réception après un saut de 5 pieds la plus agréable. Lovitz, pas très content, se relève. Bouscule un petit peu Lirdam. Lirdam a comme réaction de frapper Lovitz au visage. Pas très fort, mais comme Lovitz a mentionné à Nicolas Martineau durant la diffusion sur TVA Sport à la mi-temps, Lovitz a mentionné, regarde, il a mis sa main à mon visage. Et c'est comme ça qu'il a mentionné. Tel quel, ça, c'est un carton rouge. Et c'est ce que la reprise vidéo a mentionné. Sur le jeu, Daniel Lovitz a récolté un carton jaune aussi. Pour deux raisons pour expliquer ce carton jaune. Il y a la raison qu'il a fait la reprise, il a fait quand même un petit signe pointé en direction de la reprise vidéo. Et ça, dans les règlements, c'est interdit. Ça me rappelle à World Web qui a dit à Chicago l'année dernière lorsque la reprise vidéo a été présentée durant la fin de semaine du match des étoiles. On était dans une petite salle avec M. Howard Web. Il disait, dès qu'il y a un mouvement vers la direction du moniteur vidéo qui est sur le côté, les lignes de côté, de la part du joueur qui proteste ou qui a un élément de faire une boîte avec... Je sais que vous ne voyez pas si vous écoutez en balado diffusion, mais si vous êtes en direct, vous voyez ce que je fais. Si vous faites le mouvement avec vos doigts d'une petite boîte, c'est un carton jaune automatique. Et sur le jeu, Lovitz a fait le cas. Et aussi, il a quand même poussé un petit peu Lirdam pour porter Lirdam à le frapper en pleine face. Donc, c'est ce qui a causé ce jeu qui retient l'attention. On va voir si le carton rouge sera peut-être, comme on dit, enlevé ou changé de décision durant la semaine par le comité de discipline de la Ligue majeure de soccer du Amérique du Nord, la MLS. J'en doute parce que c'est une décision de la reprise vidéo et ça ne sera pas bien vu, je crois, si ça commence à avoir des retournements de décision sur les décisions de la reprise vidéo. Si cela arrive, c'est comme si ça brime un peu la reprise vidéo et c'est comme si ça... faisait un gros négatif sur la situation au complet, donc je pense pas que ça va être retourné. Lirdam sera suspendu pour le prochain match. Et c'est quand même aux avantages de Montréal. Montréal a dû travaillé fort pour avoir ce but, même s'il y avait l'avantage de match pour 45 minutes en deuxième demi, plus 5 minutes en première. Donc, pour un bon 55 minutes avec les arrêts de jeu de la première et deuxième demi, l'Impact s'est retrouvé avec l'avantage d'un homme qui a mené au but de Vargas, comme on mentionnait. Et oui, nouvelle tradition sur la transversale, note de match. Alors, mes notes de match. Cabrera, solide Cabrera. À un moment donné, durant au début de la deuxième demi, il y avait 7 ballons recouverts à interception, 7 distributions. Il y avait pas mal beaucoup de belles statistiques. Et Cabrera, tranquillement, lorsqu'ils sont trop au milieu, je pense qu'on parle d'un très beau travail collectif de Fanny Raitala et de M. Cabrera, Victor de son prénom, ben le beau Vic, il a bien performé lorsqu'il y a un petit peu plus de liberté. Lorsque c'est pas grave, s'il prend le ballon, se dirige un peu vers l'avant, regarde un peu ce qui se passe, lève la tête, trouve un coéquipier, avance. Ne retourne pas, se retourne, repasse un autre de ses défenseurs et le cercle continue. Et c'est ce qu'on a vu ce soir pour l'Impact de Montréal, sur la route, étant capable d'avoir la possession du ballon, de garder le ballon, de bouger ce ballon et finalement créer une certaine opportunité et des chances de marquer. Ils ont défendu, ça a chauffé à 87e minute, à 84e, 86e, un petit peu à 75. Et ça a chauffé à quelques occasions dans la boîte. Ovin Bush, bien placé, solide, a réussi à faire les arrêts clés durant les moments opportuns, comme on dirait. Pas l'Impact de Montréal, surtout en fin de match, lorsque Seattle mettait tout ce qu'il y avait, et surtout le robinet. Devant eux, j'ai une petite phrase ici que j'ai écrite pour décrire le travail de Evan Bush. Et je pense que c'est important. Excusez-moi mon français, je vais le mentionner en anglais. C'est comme kiss, mais on remplace le dernier S par E. Fait que c'est comme keys. Fait que les keys, c'est keep it simple, Evan. Ça marche. Garde ça simple, mon Evan. Garde ça simple. Vos ballons. Il y a un joueur qui dit, sort le ballon du jeu. Il sort. Et placé où ce qu'il faut, le moment le plus probable. Il n'y a pas d'arrêt spectaculaire cette saison jusqu'à maintenant à comparer les autres années d'avant. Mais il est mieux placé. Et étant mieux placé, donne un meilleur pourcentage à long terme d'arrêt et surtout de succès pour un gardien. C'est pas en regardant le nombre de buts marqués qu'on va voir le succès contre Impact, je parle, on va voir le succès d'Evan Bush. Mais c'est surtout, pour moi, regarder le nombre d'arrêts qui fait et qui ont l'air routine, mais dans le fond, c'est un tir à bout portant de 6 verges en avant de lui. On l'a vu ça tard dans le match, et ça ressemblait à un arrêt de routine. Et ça, c'est rassurant. En étant que supporter, en étant que fan, en étant que partisan de l'Impact, c'est rassurant de voir Evan Bush être capable de faire l'arrêt opportun comme si de rien n'était à la 84e minute. C'était le cas ce soir. Il garde ça simple. Et impliqué dans le mouvement du ballon. Pas trop, mais oui. Et ça, c'est une autre corde qui s'oblige à ajouter à ses munitions cette année, parce que oui, il y a la compétition derrière de lui. Diop, une compétition directe, peut-être pas, mais c'est un petit rappel qu'il y a quelques gardiens derrière de lui qui aimeraient ça aussi jouer. Là, t'as le terrain. Là, t'as le filet. Perds-le pas. Et je pense qu'il y a moins cette attitude-là. Clément Diop, Pantémis, Beaulieu, il y a une certaine depth chart, comme on dirait en français. Il y a quand même une hiérarchie établie, mais peut-être pas dans le béton. Puis Evan, il ne faut pas qu'il perde son filet. Fait que Evan Bush, il keys, il garde ça simple, puis ça marche. Vargas, quoi dire de Vargas pour un deuxième match de suite et le récipiendaire de la générosité de notre fameux Nacho, le fameux Nacho de Montréal. Pas le Nacho Montréal, parce que lui il joue Arsenal, puis ça va pas bien. Le Nacho de Montréal, le Nacho qui joue à Montréal, ben ce Nacho-là, il est généreux en 2018. Grosse portion, ben du fromage, extra. C'est en étage, en faisant des passes. 3 passes, 4 matchs. Il va finir la saison avec 15-16 passes, certain. D'après moi, le bon vieux Nacho. Puis extra steak, c'est quelques buts de plus aussi. Parce que pour moi, Nacho Piatti, cette année, il prend le rôle qu'il aurait peut-être dû avoir, mais que pour des raisons qu'on n'abordera pas ce soir, là, la présence d'autres joueurs qui prennent d'autres places, d'autres rôles. Puis que Nacho a regardé le vestiaire à un moment donné récemment, puis s'est dit, ben, ouais. Si c'est pas eux autres, c'est moi. Je peux peut-être enlever le désir de marquer que j'ai. Je peux peut-être sacrifier un petit peu mon goût du filet pour le remplacer par le goût de la découverte. Découvrir mes coéquipiers. Ah ben, il est tout seul. Tiens, Jason, marque-le le but. Donne-nous la victoire. Puis ensemble, on va aller loin. Ben, c'est un peu ça. Puis le nouveau Nacho 2018, portion généreuse, ben, je le prends. Une autre chose qui va pas bien en 2018, puis ça, c'est Seattle. Pas de but marqué encore pour Seattle. La blessure à Jordan Morris, suspension de Clint Dempsey. Lodero a de la frustration. Il essaye de prendre cette équipe, de la mettre sur ses épaules et de l'amener à l'avant. Mais ça ne marche pas pour Nicolas. Il y a de la frustration, mal placé. Il y a eu quelques opportunités, oui, évidemment. Mais ils n'ont pas trouvé le fond du filet. Pas juste ce soir contre Montréal. Depuis l'année passée. Depuis les séries. Donc, ils n'ont pas marqué en MLS Cup. Hein? Non, mais il me semble que non. Ils ont-ils marqué en finale la Coupe MLS? Les deux dernières finales de la Coupe MLS sont comme... ils sont rassemblés ensemble dans une mémoire dans ma tête. Je suis bien de la misère à différencier. Laquelle des deux qui ont fait quoi? Je sais qu'une année, c'est Seattle, puis un d'après, c'est Toronto. À part ça, pas trop sûr de ce qui est arrivé dans quoi, mais Seattle, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué en MLS. Silva a fait ses débuts. Un début quand même inaperçu. C'est bon. Il a joué 10 minutes, même pas. Là, pour tuer un peu le jeu. Pas tuer dans l'œuf, mais plus pour écouler le temps. Pour être sûr que tout se passe bien, pour être sûr de garder le ballon, de le pousser plus loin, dans nos derniers tiers. Bien, on a vu plus Piatti aussi faire ce même rôle-là en fin de match. Il y a cette course en quoi, 92e minute environ. Piatti court après le ballon, on l'amène quasiment en ligne de touche en avant de lui dans le dernier tiers, et juste pour écouler le temps, gagne le coup de pied de coin. Tue 30 secondes qui sont avérées quasiment les 30 dernières secondes du match. Mais cet acharnement-là, d'après moi, décrit très bien cette victoire de l'Impact de Montréal. L'acharnement. Ne pas dire non sur le deuxième ballon, le troisième ballon. Piette, qui n'a pas été aussi précis, je dirais, dans sa distribution ou dans ses interventions, dans ses interceptions. Mais il est là. Puis deuxième, puis troisième, puis Colin. Il a eu son carton jaune, mais c'est à force de donner des petits coups... Les petits coups d'âge, puis à un moment donné, l'arbre il tombe, puis l'arbitre il stanne, puis il donne un carton jaune. Mais c'est ce qui est arrivé à Samuel Piette, mais un travail qui a été utile aussi. Le momentum qu'un Piette brise de l'équipe adverse dans le milieu est toujours très important. Et là, avec l'absence prolongée de Marco Donadel, ben c'est un go. C'est une confiance qui est donnée à Piette. À Taider, je vais m'en venir à Taider qui avait de quoi prouver un peu ce soir, pas pour lui, mais quoi prouver pour le sélectionneur de l'Argentine. Je dis pas que c'était parfait pour Taider, c'est pas le cas, mais sur quelques jeux, son acharnement m'a impressionné. Bon, on va en parler là, je suis là. L'acharnement de Taider m'a impressionné sur quelques jeux, évidemment sur le but gagnant. C'est un but qui a été créé, oui, dans les statistiques, ça sera pas écrit, oh, Saphir Taider, deuxième passe décisive, qui a mené au but, à la passe de Piatti. Non, non, c'est pas écrit. Mais Saphir, ben j'aime ça dire Saphir, c'est beau. C'est brillant, c'est ça. OK. Taider, sur cette talonnade d'acharnement pour garder le ballon en jeu, le dirigé vers son coéquipier, Nacho Piatti, dans la boîte, et était sublime. Et ça, c'était une deuxième, une troisième effort. Et c'est un jeu... de nécessité. C'est un jeu qui n'est pas prévu, pas pratiqué. C'est c'est un jeu qui est comme, je suis là, puis le ballon est là, puis il faut que je donne le ballon à mon coéquipier, puis j'ai pas grand manière de frapper le ballon, là. On va faire ça de même. Puis là, il, voilà, il marque, ça marche. Puis boum, la passe, puis oh, ben Jason, hop, oh, ben c'est 1-0. Un autre des notes de match que j'ai ici, et pour le 4e match consécutif, ben Kroliki solide. Solide. Solide, la canne. C'est-à-dire, non, j'ai rien à dire. C'est rien de mauvais. À un moment donné, c'est un jeu qui m'a fait rire au début du deuxième demi. Non, un petit peu vers la, quoi, 50e. Il se retrouve avec le ballon à la droite du terrain. Et il regarde, il n'y a personne devant lui. Il a l'espace, ben, il va courir avec. Il regarde, il n'y a personne. Il se retourne, ben, voyons, je suis tout seul avec. Ben, OK, c'est correct. Peux-tu continuer? OK, c'est beau. Ben, je vais. OK, finalement, phew. Un coéquipier, je peux lui donner le ballon. Il garde ça simple, mais ça fonctionne. Un des joueurs que Rémi garde, tu ne poses pas la question. Et tu le mets là, il fait ça, il t'en a un petit peu plus, il ne pose pas trop de questions. Il sacrifiera pas te donner plus sur le terrain qui est supposé si c'est pour le laisser exposé. Il donne ce qu'il faut, solide défensivement. Il joue très bien dans les deux sens du ballon, surtout dans le sens défensif. Mais quand même, Ken se retrouve avec un sens offensif qui me surprend de plus en plus. Lorsqu'il prend confiance, et je pense que c'est ce qui arrive. Là, il découvre que, OK, bon, mais je suis surpris moi aussi du camp que j'ai eu. Vous êtes surpris du camp que j'ai eu. On me signe. Jouer 4 matchs à date. Ça va bien. Puis je continue. Puis tu continues à faire confiance. Puis je continue à donner ce que tu veux. Bon, ben, OK. Next. Continue. On va travailler sur mon jeu, sur mes aptitudes. On continue. On va incorporer quelques responsabilités de plus ici et là. On garde ça simple. Mais la progression d'un Kroliki du Super Draft à aujourd'hui, on voit pas ça souvent. On a vu des joueurs du Super Draft passer. Mais dans le fond, on n'a pas vu tant que ça, justement. Ils arrivent, ils sont draftés. Ouais, bravo, bienvenue à Montréal. OK, quel entraînement. Puis pouf! Pouf! On enseigne une coupe. Quelques-uns restent longtemps, comme un Callum Mallett à ce monde. Comme d'autres, comme des Andrew Huggers, ça fait longtemps qu'ils ont vu d'autres cieux. Ils ont vu plusieurs cieux depuis. Et on a vu d'autres, comme les Romero Williams, qui ont fait quelques stages en USL avec différents clubs aussi. Et on a vu d'autres ici et là. Un Valentin de ce monde, qui a fait des stages en Europe, dans la Scandinavie, et maintenant est à Portland. Donc, on a vu des joueurs du Super Draft arriver passer. Et Ken Kroliki, un joueur qu'on se demandait rien, un joueur que Rémi garde, maintenant avec... OK, c'est pas parce que j'ai des lunettes maintenant que je vois bien, là. Mais avec le recul, si on regarde le seul joueur que l'Impact a évidemment pris au Super Draft en 2018, c'est Kroliki. Rémi garde et son équipe, pour être franc, ont vu quelque chose en ce jeune. Et, jusqu'à présent, bien, il y avait raison. En terminant l'émission, on regardait quand même ça un petit peu court. Ben, quoi d'autre à dire? Seattle n'a pas fait grand-chose. Ils n'ont pas essayé bien. L'Odello était frustré. Thorez, toujours un peu solide, mais Thorez s'est fait mettre les pieds dans le ciment, et non pas par le Laurent, mais par le Nacho, quelquefois, et par d'autres aussi. J'ai quand même trouvé ça impressionnant que les joueurs de l'Impact ont pu déstabiliser Seattle. Et ça, c'est une chose que l'entraîneur de Seattle disait dans les moments avant le match contre l'Impact ce soir, en mentionnant c'est un peu difficile de se préparer pour l'Impact. On a des vidéos, on a quelques idées, quelques conversations, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le nouvel effectif de l'Impact. On n'a pas beaucoup d'informations sur... les tactiques, on a vu un Rémi Garde sortir de nowhere la semaine passée. Boum, 5-3-2. Boum, bat la meilleure équipe quasiment du continent. 1-0. Et bien, cette semaine, encore une fois, sur la route, même formation. C'est dur à faire des graphiques, par exemple, si vous regardez le graphique de l'Impact. Mais c'est, oui, c'était vraiment comme un 5-3-2. Avec un 3-5-2, si vous préférez. Tout dépendamment, parce qu'il y a les deux arrières, ailiers arrière, qui sont levés de Duval. Mais une chose que je pense que c'est important qu'on continue à parler, si on regarde la forme physique des joueurs de Montréal, si on regarde un Chad Marshall, là, on va être bien honnête là, avec Seattle, là, on la regarde en arrière des oreilles, là, c'est juste ça. Là. Ben, c'est ça. Puis là, tu regardes un Lovitz, un Evan Butch, que tu peux comparer avec photo année par année, n'importe quelle année, puis cette année, là, puis tu regardes comme, ouais, il y a un petit quelque chose, là. Il y a un petit quelque chose de genre, toi, tu bois juste de l'eau, là, puis t'es vraiment en forme. Ben, il y a un peu ça. Je pense que la présence de Robert Duvergne en est encore pour cause. Peut-être que c'est juste une perception, et on va voir. Mais jusqu'à présent, je pense que même si l'Impact a échappé des points, et a échappé tous les points, les deux premiers matchs avec ses deux défaites, maintenant deux victoires de suite, se retrouve avec 6 points, monte au classement, on va regarder le classement dans un petit instant, et on va terminer l'émission là-dessus. Évidemment, le classement est en direct, donc le classement va être en date de samedi soir, minuit et demi, entre samedi et dimanche. Joyeuse Pâques en passant, pour ceux qui nous écoutent en direct, et à bon Passover pour tous nos amis aussi de la communauté juive, et je pense que c'est pas mal ça. Là, y a-t-il d'autres fêtes aussi que je sais pas en fin de semaine? Ben, je sais pas. Ben, si j'en oublie une, bonne fête et joyeuse ce que vous fêtez. Joyeuse. En espérant que vous voyez votre famille demain et que vous dites bonjour à tout le monde. Puis dites-leur que ben l'Impact a gagné, bordel, puis c'est un zéro, puis wouhou, café de victoire. Pour une fois qu'on est justifié d'avoir le café de la victoire, plus que juste. Ben, toujours justifié pour avoir le café de la victoire, tu sais. Ben, quand il y a une victoire. Pour terminer l'émission ce soir, regardons rapidement le classement dans la MLS du côté de la Conférence de l'Est. L'Impact de Montréal, avec leur opération de deux victoires de suite, monte rapidement dans ce classement, se retrouve présentement en sixième position avec 4 parties jouées, 2 victoires, 2 défaites, un différentiel de 5 buts marqués, 5 buts alloués, et 6 points. Première position du classement, New York City FC, 13 points. 5 parties jouées, 4 victoires. Un match nul pour 13 points. Columbus, 10 points en deuxième position. Atlanta, 9. En passant, Atlanta, leur chandail, leur deuxième chandail, leur deuxième maillot, là, leur deuxième kit. Je sais pas si c'est Kid Brillant qui a eu l'idée de faire un kit qui fait hommage au Houston Dynamo. Là. OK, on me l'a expliqué sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est l'état de la pêche. Pas de la pêche, mais la pêche, le fruit. Là. C'est l'état de la pêche. Donc, c'est le kit qui représente l'état de la Georgie et l'état de la pêche. Ben, il est blanc et orange. Ben beau vouloir faire promotion de la pêche de la Georgie, là. Mais moi, je te regarde jouer, là, puis je pense que tu fais la promotion de Houston Dynamo. Là. En tout cas, t'es juste moi. Là. Atlanta, 3e, 9 points. New England, 4e, 7 points. Les Red Bulls, en 5e position, 6 points. Et l'Impact de Montréal, 6e, avec 6 points. Si les séries commençaient à soir, peut-être pas demain soir, parce qu'il y a d'autres matchs, là. Mais si les séries commençaient ce soir, ben l'Impact les ferait. T'es toutes nos prédictions, toi. Ben, c'est ça. Ensuite, en 7e position, 2 points derrière l'Impact, l'Union du Philadelphie. L'Orlando City, AC aussi, 8e, 4e, 4 points. Toronto, 9e, 3 points, toi. Une victoire, 2 défaites pour Toronto. 9e, c'est-tu pas beau, ça? DC United, 10e, 2 points. Et le lowly Chicago Fire, a 1 point aujourd'hui à maison contre Portland. Chicago a sauvé le désastre aujourd'hui. Ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué une fois cette année encore. Je sais pas ce qui se passe. Des joueurs qui ont l'air qui ont mangé un petit peu trop durant l'off-saison. OK, regardez-moi. J'aime pas moi aussi, mais moi, je suis pas en train de jouer au soccer. On peut toujours se dire ça. OK. Nikolic qui a mangé un petit peu trop. Là. Tu le regardes, puis tu sais, les petits bajous, là. Puis il y a de la misère avec les courses, puis c'est un petit peu dur quand il revient. Là. Mais oui. Il a réussi à marquer pareil 2 buts en fin de match sur des jeux nowhere. Schweinsteiger a traversé le terrain, traversé la ligne médiane du terrain deux fois à la zone adverse. Là. Touché au ballon deux fois. Une fois mi-terrain, il a fait une petite demi-passe, boum, un but de Nikolic, c'est déjà un. Ça, c'est le deuxième but. Le premier but, c'est... Non, c'est ça le premier but. Deuxième but, il est sur un coup franc. Ben, même pas. C'est comme une rentrée de touche, genre coup franc. Il sait passer le ballon, il a de l'espace, prend son temps. Il courbe le ballon dans la boîte. Et Nikolic trouve les égalisateurs, et c'est 2-2. Et Chicago a sauvé un point à la maison, au Toyota Park. Donc, on va regarder rapidement le classement de la Conférence de l'Est. Et ça, évidemment, encore une fois, c'est les classements qui sont à jour samedi, minuit et demi, sur MLSsoccer.com. Kansas City, premier dans la Conférence de l'Ouest. Kansas City, c'est mon favori pour gagner la Coupe MLS. En tout cas, les représentants de l'Ouest, pour moi, c'est Kansas City. Et présentement, ils me donnent raison. Ça n'arrive pas souvent, fait que ça risque de changer. Là. Habituellement, quand j'en choisis un pour gagner ou finir premier dans l'Est ou dans l'Ouest, ils ne font pas les séries. Vancouver, deuxième, 10 points aussi. Surprenant début de saison, Vancouver, une équipe qui est mi-figue, mi-raisin, mi-chaud, mi-froid. Bon résultat, mauvais résultat. Bat une bonne équipe, perd contre une moins bonne. Mais 10 points, deuxième. Le Galaxy. J'ai fait quasiment une demi-heure d'émission sans prononcer le mot Zlatan. Mais là, je le prononce. MLS, bienvenue à Zlatan. C'est pas le Zlatan qui est arrivé à MLS, là. C'est MLS puis le Galaxy qui sont arrivés chez Zlatan. Puis Zlatan, il a dit, OK, Vela, tu voles le show chez nous, ça marche pas, là. Bob Bradley, Galaxy, commence à faire ça 3-0, non, là. OK, c'est 3-1, OK, c'est 3-2, c'est beau, j'embarque. Ramenez-moi ça à deux buts, j'embarque, puis ça change. Le Lyon vont rouler, j'embarque. Un ballon. Presque à mi-terrain, Zlatan. Je marque. Frappe. Ballon. Dans le but. C'est 3-3. Zlatan vient de marquer quasiment de la mi-terrain. À sa première touche de balle en MLS. Première. Il n'a pas touché au ballon depuis. On se retrouve à la 92e minute. Un jeu, ce Ashley Cole se retrouve à avoir le ballon qui bondit devant lui. Il court vers le ballon. Zlatan aurait pu aller vers le ballon, mais il savait qu'il était hors-jeu. Il se dirige vers la droite en face du but. Il y en a qui disent qu'il est hors-jeu, mais quand le ballon a parti du pied d'Ashley Cole, il n'était pas hors-jeu. Ballon nésaire, Zlatan en boîte, devant le gardien. Touche la tête, deuxième touche de balle en MLS. Deuxième but de Zlatan. Et c'est 4-3. LA gagne le premier El Trafico. Et bat LAFC. Au StubHub Center, à Carson City. Quel match! En anglais, on appellerait ça un burn burner. En français, je dirais un match de fou. 4-3, le Galaxy contre le LAFC. Le Cosmos avant le paradis, je pense. Le Galaxy avant les anges. Ben, c'est ça qui arrive. Et Galaxy, ben, a gagné le premier El Trafico, un match mémorable. Et Zlatan, il a déjà marqué deux buts. Et ça, c'est superbe. C'est évidemment. C'est comme Drogba qui arrive, qui m'en marque trois. C'est comme si c'est écrit dans le ciel. Je sais pas c'est qui les scripteurs de la MLS, mais ils font une belle job. Parce qu'à chaque fois, c'est comme, ouais. Il me semble que c'est écrit dans le ciel. Zlatan va arriver, va marquer un but spectaculaire. Puis le but, ils vont gagner. Ça me semble. Ça fit. Et ça l'a fité. Quel match. Quel match. Quel sport. Quel beau sport. J'espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez nous écouter toujours en direct au youtube.com/sportspodcastingnetwork et aussi en version balado-diffusion. Partout. Où est-ce que vous trouvez vos balados préférés? Donc, on parle de le iTunes Store, le Apple Podcast Store, le Google Play Store, partout où vous trouvez vos balados de diffusion préférés. Vous pouvez trouver sur la transversale et aussi au sportspodcastingnetwork.com. Si vous aimez nous encourager, on a un Patreon. Et si vous êtes un fan du soccer canadien et de podcasts anglophones, commençant la semaine prochaine, première semaine d'avril, donc dans quelques jours, le tout sur le tout du podcast pour les supporters, pour les donateurs seulement, pour ceux qui prennent le vote de confiance de 2$ par mois et qui nous donnent leur confiance pour avoir tous les détails sur la nouvelle ligue, première ligue canadienne de soccer, sur les potentielles équipes au Québec, partout au Canada. Le réseau de contact de Dwayne Rollins, moi-même et de Keaton Robbins, qui est un nouveau collaborateur au réseau aussi, on a accumulé depuis plusieurs années, vont nous servir en couvrant cette nouvelle ligue et aussi couvrant l'équipe nationale et le soccer canadien en général. Vous allez pouvoir trouver ça sur notre Patreon. Donc, c'est au Patreon, ce qui est Patreon.com/ Sports Podcasting Network. Vous pouvez trouver le lien directement dans la description de cette émission, autant sur le lien YouTube que sur le lien de la balado-diffusion. Mon nom est Kevin Laramie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramie, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je suis pas sur Pinterest. Je suis-tu sur LinkedIn? Je pense que oui. Mais je pense qu'elle fait dur. Fait que c'est pas mal ça. Puis jusqu'à la prochaine fois, ben, bon soccer!